Je vous souhaite un très bel après-midi. Il se poursuit tout de suite avec Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Aujourd'hui, Israël prend une nouvelle direction. Cette semaine, la fin du rêve sioniste. Nous croyons que chaque citoyen d'Israël, profil et revers de Bibi, pourquoi criez-vous après la presse? Après tout, non. En compagnie de Jean-Pierre Filiu. En suivant Netanyahou, on comprend ce qu'Israël est devenu aujourd'hui et éventuellement ce qu'Israël pourrait être sans Netanyahou, tant sa personnalité a influencé au cours des dernières années l'État d'Israël et le mouvement sioniste en général. Dernier épisode, dernière journée en compagnie de Jean-Pierre Filiu. Au terme de cette semaine, nous allons évoquer évidemment l'actualité politique. Nous évoquons avec lui depuis le début de la semaine non seulement son dernier ouvrage « Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste », ouvrage qui est paru aux éditions La Découverte. J'ai demandé également à Jean-Pierre Filiu de bien vouloir regarder ce documentaire que vous aurez l'occasion de découvrir dimanche soir sur RTS2, documentaire absolument passionnant et on peut dire quasi miroir de votre ouvrage. Jean-Pierre Filiu, c'est assez saisissant, documentaire intitulé King Bibi. On va, si vous le voulez bien, ouvrir sur l'actualité politique en essayant de comprendre, de mieux saisir ce que contient l'expression « État juif ». Données qui ont été énoncées comme projet par Benjamin Netanyahou il y a déjà un certain temps. Dans quelle mesure ce projet peut être considéré comme une rupture avec le projet initial, on va dire le projet Ben-Gourion? Quel était d'ailleurs ce projet initial, puisqu'il semblait reposer sur ce que vous nommez les lois fondamentales? Essayez de nous éclairer sur ce que c'est que ça, son origine, et puis désormais le projet tel que Netanyahou entend le mener. Donc dans la déclaration d'indépendance, le 14 mai 1948, David Ben-Gourion pose très clairement les bases d'un État juif et démocratique qui garantissent l'égalité pleine et entière à tous ses citoyens, quelles que soient leurs origines. Je rappelle qu'on est en plein conflit avec les Arabes, donc c'est pas du tout un geste de colombe effarouchée, c'est un chef de guerre qui consciemment décide ce pari d'espoir, et je crois que fondamentalement l'espoir est une valeur qui était associée au projet sioniste, en tout cas jusqu'à Netanyahou. Pour Netanyahou, que je pose en refondateur face à Ben-Gourion, donc le fondateur, il y a une volonté de promouvoir l'État juif, point. Et dans un pays comme Israël, qui n'a pas de constitution mais des lois fondamentales, Netanyahou, il a beaucoup œuvré pour cela, a fait passer l'an dernier une loi fondamentale sur Israël comme État-nation du peuple juif. J'insiste sur chacun des termes. Cette loi n'a été approuvée qu'à une majorité très étroite de 62 députés sur 120. Donc on voit que dans la plupart des autres pays, les modifications constitutionnelles doivent se faire à la majorité qualifiée, des deux tiers, des trois quarts. Là, ça n'a pas du tout été le cas. C'est une majorité simple et très réduite. Dans cette loi, le mot « démocratie » n'apparaît pas une seule fois, ce qui déjà peut être assez inquiétant. Mais surtout, ça introduit une rupture dans l'égalité au moins proclamée entre tous les citoyens de l'État d'Israël, avec une mesure symbolique immédiate qui est que des deux langues arabes et hébreu qui étaient jusque-là officielles, seul l'hébreu reste langue officielle. Je rappelle qu'il y a en Israël 20% d'arabes, un Israélien sur cinq. Donc il y a à la fois cette volonté de refonder sur le plan intérieur, et c'est d'ailleurs un des points de rupture avec l'actuel rival de Netanyahou pour les élections du 9 avril, Benny Gantz, ancien chef d'état-major, qui a très tôt dit qu'il voulait revenir sur cette loi fondamentale avant tout parce que au sein de l'armée israélienne, il y a des non-juifs, des arabes de confession druze, et que ceux-ci se sont sentis profondément discriminés par cette loi, alors même qu'ils servent l'État d'Israël avec loyauté. Est-ce que cette loi entérine ou accélère un processus qui est déjà amplement en cours? Autrement dit, est-ce que la loi telle que entend la faire passer à ce moment-là Netanyahou ne fait que donner une photographie de la situation réelle telle qu'elle s'est développée en Israël? Oui, mais une photographie à valeur constitutionnelle, c'est un peu gênant. Oui. Donc on change les règles du jeu fondamentales. Ce sont des lois fondamentales, elles portent bien leur nom. Et puis il y a une autre dimension dans cette loi, qui est, il faut savoir qu'en hébreu, le terme de communauté peut aussi vouloir dire colonie, implantation. Et donc l'idée que le développement des communautés juives, mais donc peut-être colonies, est un impératif national. Donc on voit là aussi ce que ça signifie par rapport à la Cisjordanie occupée et de plus en plus colonisée. Ce qui est certain, et je crois que c'est l'essentiel, c'est que un premier ministre doit, sur les questions constitutionnelles, fondamentales, rassembler, alors que Netanyahou divise. Il le fait de manière absolument consciente. Il n'a besoin que d'une majorité pour gouverner. Et ce qu'il veut, c'est consolider cette majorité sur des thèmes qui sont justement profondément mobilisateurs, hein, la primauté de l'identité juive, le développement des colonies, dans son propre camp. Et c'est ça, au fond, qui pose le plus de questions dans son bilan sur les 10 dernières années à la tête du gouvernement israélien. C'est que dans une société israélienne qui a profondément besoin de consensus, je ne parle même plus là du processus de paix israélo-arabe, je parle déjà du consensus entre juifs et arabes en Israël, mais après du consensus entre religieux et non-religieux, entre séfarades et ashkénazes, entre russes et autres immigrés, etc., etc., etc. Netanyahou n'a pas cessé de diviser, parce qu'il pense effectivement, et son succès politique le prouve, que c'est en polarisant, en brutalisant la vie politique, qu'il peut rester le plus longtemps au pouvoir. Et là, on voit bien qu'il est désormais très difficile de faire la part de son ambition personnelle et de sa volonté d'immunité par rapport aux différentes procédures qui ont été lancées à son encontre et qui sont très graves. Hein. Corruption, fraude, abus de confiance. On ne sait plus s'il veut le pouvoir pour l'immunité ou l'immunité en restant au pouvoir. Et il a une hantise, c'est le sort qui a été réservé à son prédécesseur, Ehud Olmert, qui a fait 18 mois de prison ferme pour des faits de corruption immobilière lorsqu'il était maire à Jérusalem, qui paraissent bien faibles par rapport aux 57 pages de la lettre réquisitoire que le procureur général a envoyée à Netanyahou à la fin de février. Donc là, tout se mêle. D'où le titre « Main basse sur Israël ». C'est qu'on voit bien qu'un homme a complètement privatisé l'intérêt national et qu'aujourd'hui, cette campagne israélienne tient beaucoup plus du feuilleton judiciaire que du débat d'idées. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour tout le monde. Une petite précision, peut-être Jean-Pierre Filiu, en attisant ainsi les braises dans un débat politique qui, en Israël, peut-être violent jusqu'au drame, jusqu'à la mort, jusqu'au crime, mais sans aller jusqu'au crime, et quand même assez régulièrement sur les plateaux télé et sans doute également en radio, particulièrement chaud. Est-ce qu'au fond, il ne fait qu'attiser des braises qui déjà brûlent et se consument naturellement? Comment expliquer par ailleurs qu'il n'y ait pas eu quelqu'un qui se soit inspiré de sa manière de faire, de sa manière de procéder, et en tant que dauphin, l'est tout simplement doublé? Est-ce que parmi sa compétence, il sait aussi éliminer tous ceux qui pourraient, de près ou de loin, risquer de le doubler, que ce soit par la gauche ou par la droite? Oui, bien sûr, hein, c'est quelqu'un de très méthodique, il sait parfaitement comment lui-même est arrivé au pouvoir, donc il ne laissera personne emprunter ces mêmes chemins. Et puis, il y a, si j'ose dire, les deux cordons de la bourse. Il y a d'abord l'argent, les circuits financiers, et puis il y a les réseaux sociaux. Ceci et cela étant souvent très liés. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les pages officielles de Netanyahou sur Facebook sont financées par le contribuable israélien, mais les pages privées, qui sont souvent les plus populaires, ben, on ne sait absolument pas qui les entretient. Et visiblement, elles sont très très bien entretenues. Donc il y a un aspect opaque dans les circuits d'argent qui financent le Bibi Circus permanent. Hein. Moi, je suis évidemment abonné à tous ces comptes. On en a tout le temps, tous les jours évidemment, et parfois toutes les heures, vidéos, messages, etc. C'est là où il y a un système, hein, d'où le main basse sur lequel j'insiste, hein, sans faire de focalisation sur la personne. De toute façon, en comparaison de la focalisation du débat israélien aujourd'hui, positif ou négatif sur Netanyahou, je suis bien indulgent. Et puis, il y a aussi un vrai trouble de ma part. Mon premier séjour en Israël remonte à 1980. J'ai beaucoup de relations, d'amitié dans ce pays, dans ce peuple. Et de voir qu'aujourd'hui, la ressource principale n'est que la peur, soit la peur qu'on agite d'une menace multiforme, d'un ennemi extérieur, évidemment, mais aussi d'un ennemi intérieur, les Arabes, la gauche, la presse, la justice, la politique, la police. L'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur. Et en même temps, Netanyahou qui scande face à des partisans déchaînés, ils ont peur, P-E-U-R, P-E, c'est-à-dire l'idée qu'on va semer la peur chez les autres, qu'on va renverser. C'est assez troublant. Hein. Je ne pense pas que... On peut appeler ça morbide aussi. Hein. Oui, et puis régressif. C'est là où on voit comment Netanyahou, qui a été pionnier sur beaucoup de dossiers, qui a parlé de la menace globale du terrorisme quand il était très seul, qui a parler de libéraliser l'économie israélienne quand elle était encore largement socialisante, qui a effectivement américanisé une vie politique qui était très liée à des pratiques bureaucratiques d'un autre âge, et qui a fait du Trump avant Trump, hein, qui a fait des fake news quand ce concept n'existait pas encore, et bien il a aussi fait de l'illibéral avant même que le Premier ministre hongrois, donc Viktor Orban, ne revendique publiquement ce qualificatif. C'est pas du tout pour lui une infamant, il en est fier. Et qu'est-ce que c'est que la démocratie illibérale ? Eh bien, c'est que le vote est la première et la dernière expression démocratique. Et qu'une fois qu'un dirigeant est élu, eh bien, il est intouchable. Que les contre-pouvoirs, que la Cour suprême, que les ONG, que la presse, évidemment, la presse est obsession aussi bien d'Orban que de Netanyahou. Donc contrôler la presse, juguler la presse, privatiser entre guillemets la presse, c'est-à-dire en fait se la soumettre par des échanges de bons et de mauvais procédés. Et ça, c'est très grave, parce qu'on voit bien que au-delà d'Israël, ça pose des questions sur la démocratie. Hein. Et là-dessus, le fait qu'Israël, le fait que Netanyahou ait été pionnier n'est pas vraiment apporté à son crédit, bien au contraire. Aujourd'hui, Israël prend une nouvelle direction. Nous croyons que chaque citoyen d'Israël... Pourquoi criez-vous après la presse ? Après tout, non. Ils sont terrifiés. Ils sont terrifiés. Aujourd'hui, Jean-Pierre Filiu, de nouvelles élections sont en approche. Alors, il y a des gens qui osent pointer le bout de leur nez. On parle de Benny Gantz. Peut-on parler d'un nouveau leader ? Comment appréciez-vous pour le moment et pour ce que vous en savez le personnage, sachant que celui-ci s'est révélé presque l'antithèse de Benjamin Netanyahou par son silence cultivé, à l'évidence, ses paroles rares. Alors, les mauvais esprits diront qu'il a peu de choses à amener. Je crois même qu'il y a des sites qui se proposent d'être des boîtes à idées venant du Likoud pour la gauche se présenter au pouvoir. Ou bien est-ce quelqu'un qui sait déjà méthodiquement comment s'y prendre avec ce redoutable adversaire qu'est Benjamin Netanyahou? Donc, Benny Gantz a d'ores et déjà beaucoup surpris. Certains ne le créditaient pas d'un grand sens politique et il a su constituer une coalition qui paraissait improbable avec à ses côtés un ancien ministre des Finances de Netanyahou, un ancien ministre de la Défense de Netanyahou et son prédécesseur comme chef d'état-major. Mais les coalitions, pardon de vous interrompre, sont tout de même monnaie courante en Sauf Israël. Ainsi, il se qualifie pour être le chef du parti qui arriverait en tête aux élections du 9 avril et donc être le futur Premier ministre. Il a 10 ans de moins que Netanyahou. Il a étudié l'histoire et la science politique là où l'autre a étudié le business. Mais il a surtout une carrière militaire très brillante. Il ne se prive d'ailleurs pas de rappeler qu'en 2014, lors de la guerre dévastatrice contre Gaza, c'était lui qui était chef d'état-major et qui a infligé des coups terribles au Hamas, mais aussi à la population civile. Il campe sur l'annexion du Golan, qu'il ne veut absolument pas rendre. On voit d'ailleurs mal à quel pouvoir syrien il pourrait le rendre dans le chaos qui règne aujourd'hui de l'autre côté de la frontière nord. Donc il a à l'évidence un crédit sécuritaire qui s'appuie sur un sens politique qui a surpris. Mais je crois que le plus important, c'est qu'il offre aux Israéliens la perspective d'un apaisement. C'est-à-dire que là, on n'est pas en 1992, le processus de paix avec les Arabes. On est dans le processus de paix d'Israël avec Israël. Et il ne serait que temps, effectivement, que la vie politique israélienne retrouve un peu de paix. Donc, on peut le critiquer sur tel ou tel point du programme ou telle absence de point du programme, mais il y a le fond et la forme. Et on a tellement hystérisé, brutalisé la vie politique israélienne au cours de ces dernières années, et particulièrement au cours de cette campagne, que on peut espérer tout simplement un grand moment de soulagement où on pourra enfin penser à autre chose que la dernière vidéo de Bibi sur Facebook ou la dernière fuite sur tel ou tel scandale. Israël a de vrais défis à relever et ils doivent être relevés non seulement en toute sérénité, mais surtout en restaurant une forme de paix civile. Et mes collègues de sciences politiques sont formels. Toutes les études sur la société israélienne montrent une volonté profonde d'être gouverné au centre. Cette volonté qu'avait parfaitement senti Ariel Sharon avant de sombrer dans le coma en 2006. Et pour l'instant, cette volonté a d'une certaine façon été trahie par l'absence d'offres politiques et par la volonté de Netanyahou, pour des raisons, avouons-le, bassement personnelles, de gouverner à droite et à extrême droite, parce que là, il était sûr d'avoir un one-man show, d'être le monsieur qui non seulement était Premier ministre, mais pouvait être ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, ministre de la Santé, ministre des Affaires religieuses, ministre des Télécommunications, ça fait quand même beaucoup hein, pour un seul homme. Et ça montre cette volonté d'accaparement. Et Benny Gantz, alors là j'en suis convaincu, ne pourra gouverner que de manière pluraliste, avec le respect des différentes sensibilités. Et ça je crois que c'est très important pour reconstituer un tissu social et politique en Israël, qui sort quand même très abîmé des 10 ans de Netanyahou. Jean-Pierre Filiu, vous n'êtes donc pas seulement auteur, je vous ai demandé de devenir critique de film. Grand merci d'avoir regardé pour nous le documentaire King Bibi, à voir donc dimanche soir sur RTS2. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire, à vous qui plus est, qui êtes en plus l'auteur d'un ouvrage tout frais, tout récent dont nous avons parlé cette semaine, autour de la même figure, en l'occurrence le fameux King Bibi. Donc c'est un documentaire tout à fait fascinant. D'abord, il est nourri avec des images d'archives très percutantes, une enquête historique dont je peux mesurer moi-même, ayant fait ces recherches de mon côté très solide, et qui nous montre là encore un King Bibi. Je crois que le choix du titre est remarquable. Il faut savoir que dans les meetings de soutien à Netanyahou, ses partisans scandent « Bibi, roi d'Israël hein, », qui est quand même là aussi une approche de la démocratie assez ébouriffante. Voilà. Donc, on suit le parcours de l'homme et on le suit et, évidemment par les images. Là, c'est très important parce que Bibi et l'image, eh bien, c'est une relation extraordinaire. Hein. Il faut savoir qu'une des raisons, semble-t-il, de son deuxième divorce, c'est parce qu'il passait son temps à obliger son épouse de l'époque à lui mimer des interviews télévisées dès qu'il rentrait à la maison, et que celle-ci avait peut-être envie d'autres activités domestiques. Il est obsédé par la com, obsédé par l'image. Hein. Une image qu'il travaille de manière obsessionnelle. Il faut savoir que c'est un chef du gouvernement qui s'exprime beaucoup plus dans les médias étrangers que dans la presse israélienne, qu'il snobe de manière éhontée, préférant la contourner par le biais des réseaux sociaux. Il faut dire qu'elle ne le rate pas, cette presse en question. Ben, disons que cette relation amour-haine, on ne sait plus laquelle des deux parties en profite le plus. Parce qu'effectivement... Les deux, sans doute. Voilà, Netanyahou adore jeter les journalistes en pâture à ses partisans. Ce sont des grands moments de ses meetings qui sont d'ailleurs rappelés dans King Bibi. Ça fait quand même froid dans le dos hein, quand on voit ainsi les journalistes huer avec le Premier ministre qui chauffe la salle pour que la rancœur s'exprime de manière encore plus vive. Et puis, il faut savoir que pour la presse israélienne, Bibi est le punching ball idéal. C'est-à-dire, quand on ne sait pas quoi écrire, et ben on va dire du mal de Bibi. Et je vous dis, il y a ce paradoxe que mon livre a été attaqué parce qu'il était jugé trop sympathique pour Netanyahou, vu qu'il le créditait d'une cohérence politique, d'une vision stratégique et d'une structure idéologique. On avait eu l'occasion dans l'Histoire vivante de nous intéresser à l'histoire de la prédication au Moyen-Âge. Ce qui m'a particulièrement frappé dans ce documentaire, c'est que sans être véritablement un prédicateur, quoique, Netanyahou est quelqu'un qui maîtrise l'art oratoire, la grande capacité à pouvoir convaincre et persuader, et peut-être également s'auto-persuader. Le documentaire signale que, au travers d'ailleurs d'une image récurrente, une sorte de petite micro-cassette, que sur les conseils d'une certaine Liliane Wilder, conseils qui sont titrés « Comment parler sans peur », je crois, ou quelque chose comme ça, je vais vous en citer quelques extraits. « Invitez votre auditoire à identifier ce que vous pensez et ressentez à comprendre la vérité de ce que vous dites. Posez-vous ces questions clés. À qui est-ce que je parle ? Qu'est-ce que je veux leur dire ? Pourquoi je pense que ces personnes ont besoin de m'entendre dire ça maintenant ? Et souvenez-vous que l'essence de la persuasion, c'est, de point, qu'est-ce que je veux qu'ils fassent ? Eh bien moi, il m'est apparu que ces conseils donnés par Liliane Wilder, ce n'était pas Netanyahou qui les avait véritablement suivis, c'est lui qui les avait en lui d'abord comme un acteur, comme quelqu'un qui sait prendre la scène. Et là, je vais me tourner vers vous, Jean-Pierre Filiu, parce que d'une certaine manière, vous êtes assez régulièrement un orateur. Et vous savez pertinemment que si vous ne voulez pas que la salle ronfle, éternue ou tousse un peu trop, il va falloir maintenir l'attention. Qu'est-ce que vous inspire, une fois encore, ce personnage et cette maîtrise, les conseils de Liliane Wilder, pensez-vous que, avant tout, lui sait le faire, comme vous, vous savez quand vous êtes bon en orateur ou quand vous avez foiré votre conférence, on le sait ça. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Alors d'abord, Netanyahou est effectivement impressionnant dans ses techniques oratoires, dans la façon dont il arrive à subjuguer le public. Il est beaucoup plus discutable lorsqu'il s'abandonne à des surenchères démagogiques face à un public qui lui est acquis d'avance. Mais là encore, il y a toujours la forme et le fond. Fondamentalement, Netanyahou est un orateur à l'américaine. Ce n'est d'ailleurs jamais que devant les publics américains, les auditions au Congrès, les conférences à New York, qu'il est le meilleur. Et là, il a effectivement été entouré par des conseillers très importants qui lui ont donné la méthode, mais il avait au fond, la clé de tout cela, c'est-à-dire réduire le message à des idées simplissimes et les marteler. Hein. Le terrorisme est l'ennemi de la civilisation, il l'a martelé, évidemment, après le 11 septembre 2001, il est apparu comme quelqu'un qui avait eu raison avant tout le monde. Aujourd'hui, il martèle sur les affaires qui le concernent. Il n'y aura rien parce qu'il n'y a rien. Ah, pas de chance, hein. 57 pages de réquisitoire du procureur général, ça montre qu'il y a quand même un peu de substance. Mais il continue. Alors maintenant, il varie. Il dit, il n'y a pas de corruption sans argent, vu qu'effectivement, c'était plutôt de l'ordre du trafic d'influence, donc on ne peut pas montrer des échanges d'enveloppes. Et il martèle. Et c'est là où on voit, du point de vue de l'art oratoire, effectivement un grand professionnel, mais en même temps quelqu'un qui appauvrit de manière incroyable le débat public. D'abord, qui ne parle que de lui, tout le temps. C'est-à-dire que toutes les réussites... Il faut dire que toutes les questions qu'on lui pose, c'est des questions qu'on lui pose de manière très personnelle. Donc c'est... D'accord, mais la réussite de l'État d'Israël, c'est quand même pas Bibi qui en est complètement responsable. On peut pas être d'un côté libéral en économie et ensuite prétendre que si la Silicon Wadi, si la Startup Nation, si les investissements développent, bah c'est grâce à Bibi et à son carnet d'adresses. Il y a un moment, il faut quand même avoir un peu de décence. Hein. Et ça, effectivement... C'est du Trump. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est dans la post-vérité, on est dans une espèce d'infantilisme, de dégradation du politique, qui pour le coup est très inquiétant. Alors tout dernier point, j'ose dire à l'antenne quelque chose que vous m'avez glissé hors micro, sous une forme de question, croit-il en ce qu'il dit ? Moi, je suis convaincu qu'il s'en est persuadé. Je peux évidemment pas le prouver. C'est pour ça que je dis je suis convaincu. Méthode Coué. Je pense que c'est plus que la méthode Coué. C'est-à-dire que la force de conviction qu'il habite est plus forte que tout. Et quand un argument fonctionne à son profit, eh bien, qu'il soit un petit peu douteux, voire carrément mensonger, au bout d'un certain temps, ne lui importe plus. Si ça passe, c'est essentiel. Du coup, si c'est une réalité qu'on croit, cela devient une réalité, ce qui, accessoirement, est un principe de base des sciences sociales. Donc là, on est obligé d'abord de reconnaître ce qu'on ne sait pas forcément sur la pensée intime d'un individu aussi exposé au public soit-il, et puis de reconnaître que au bout d'un certain temps, à partir du moment où on crée une nouvelle réalité dans l'opinion, eh bien c'est cette réalité-là qu'il faut prendre en compte. Et puis parfois, il suffit de voir un geste qui est donné comme ça, sans aucune parole. Je vous invite à regarder très attentivement les images portées par la caméra dans le documentaire King Bibi pendant la cérémonie des obsèques de Rabin. Je vous laisserai méditer sur ce que vous aurez vu. Merci à vous Jean-Pierre Filiu, je vais rappeler quand même le titre de votre ouvrage, Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste, paru aux éditions La Découverte. Un grand merci. Thank you.